Chapitre 36e, où Gamin prouve qu'il est véritablement maître sur maître, maître sur tous. On se rappelle le désir qu'avait exprimé le roi devant M. de Lafayette et devant M. le comte de Bouillé, d'avoir près de lui son ancien maître Gamin pour l'aider dans un important travail de serrurerie. Il avait même ajouté, et nous ne croyons pas inutile de consigner ici ce détail, il avait même ajouté qu'un apprenti adroit ne serait pas de trop pour compléter la trilogie forgeante. Le nombre 3, qui plaît aux dieux, n'avait pas déplu à Lafayette, et l'avait en conséquence donné des ordres pour que maître Gamin et son apprenti eussent leur entrée franche près du roi et fussent conduits à la forge aussitôt qu'ils se présenteraient. On ne sera donc point étonné de voir, quelques jours après la conversation que nous avons rapportée, maître Gamin, qui n'est point un étranger pour nos lecteurs, puisque nous avons eu soin de le montrer dans la matinée du 6 octobre, vidant, avec un armurier inconnu, une bouteille de Bourgogne au cabaret du pont de Sèvres. On ne sera donc pas étonné, disons-nous, de voir, quelques jours après cette conversation, maître Gamin, accompagné d'un apprenti, se présenter, tous deux vêtus de leurs habits de travail, à la porte des Tuileries, et après leur admission, qui ne souffrit aucune difficulté, contourner les appartements royaux par le corridor commun, monter l'escalier des combles et arriver à la porte de la forge, décliner leurs noms et leurs qualités aux valets de chambre de service. Les noms étaient Nicolas-Claude Gamin et Louis le Comte. Les qualités étaient, pour le premier, celles de maître serrurier, pour le second, celles d'apprenti. Quoiqu'il n'y eût rien dans tout cela de bien aristocratique, à peine Louis XVI eut-il entendu nom et qualité qu'il accourut lui-même vers la porte en criant « Entrez !»« Voilà, voilà !» dit Gamin, se présentant avec la familiarité non seulement d'un commensal, mais encore d'un maître. Soit qu'il fût moins habitué aux relations royales, soit que la nature l'eût doué d'un plus grand respect pour les têtes couronnées, sous quelque costume qu'elle se présentasse à lui, ou sous quelque costume qu'il se présentât à elle, l'apprenti, sans répondre à l'invitation, et après avoir mis un intervalle convenable entre l'apparition de maître Gamin et la sienne, demeura debout, la veste sur le bras et la casquette à la main, près de la porte que le valet de chambre refermait derrière eux. Au reste, peut-être était-il mieux là que sur une ligne parallèle à celle de Gamin, pour saisir l'éclair de joie qui brilla dans l'œil terne de Louis XVI et pour répondre par un respectueux signe de tête. « Ah, c'est toi, mon cher Gamin, » dit Louis XVI. « Je suis bien aise de te voir. En vérité, je ne comptais plus sur toi. Je croyais que tu m'avais oublié. » »« Et voilà pourquoi, » dit Gamin, « vous avez pris un apprenti. Vous avez bien fait, c'était votre droit, puisque je n'étais pas là. Mais par malheur, » ajouta-t-il avec un geste narquois, « apprenti n'est pas maître, hein ?» L'apprenti fit un signe au roi. « Que veux-tu, mon pauvre Gamin ?» dit Louis XVI. On m'avait assuré que tu ne me voulais plus voir ni de près ni de loin. On disait que tu avais peur de te compromettre. Ma foi, sire, vous avez pu vous convaincre à Versailles qu'il ne faisait pas bon être de vos amis. Et j'ai vu friser près de moi, par M. Léonard lui-même, j'ai vu friser dans le petit cabaret du pont de Sèvres deux têtes de garde qui faisaient une vilaine grimace pour s'être trouvés dans vos antichambres au moment où vos bons amis, les Parisiens, vous rendaient visite. Un nuage passa sur le front du roi, et l'apprenti baissa la tête. « Mais, » continua Gamin, « on dit que cela vaut mieux depuis que vous êtes revenu à Paris, et que vous faites maintenant des Parisiens tout ce que vous voulez. Oh, pardieu, ce n'est pas étonnant. Vos Parisiens sont si bêtes, et la reine est si enjôleuse quand cela lui plaît. » Louis XVI ne répondit rien, mais une légère rougeur monta à ses joues. Quant au jeune homme, il semblait énormément souffrir des familiarités que se permettait maître Gamin. Aussi, après avoir essuyé son front couvert de sueur avec un mouchoir un peu fin peut-être pour appartenir à un apprenti serrurier, il s'approcha. « Sire, » dit-il, « votre majesté veut-elle permettre que je lui dise comment maître Gamin a l'honneur de se trouver en face de votre majesté et comment j'y suis moi-même près de lui ?»« Oui, mon cher Louis, » répondit le roi. « Ah, c'est cela, mon cher Louis, gros comme le bras !» dit Gamin, murmurant. « Mon cher Louis, à une connaissance de 15 jours, un ouvrier, un apprenti, qu'est-ce qu'on me dira donc à moi qui vous connaît depuis 25 ans, à moi qui vous ai mis la lime à la main, à moi qui suis maître. Voilà ce que c'est que d'avoir la langue dorée et les mains blanches. Je te dirai, mon bon gamin. J'appelle ce jeune homme mon cher Louis. Non pas parce qu'il s'exprime plus élégamment que toi. Non pas parce qu'il se lave les mains plus souvent que tu ne le fais toi-même, peut-être. J'apprécie assez peu, tu le sais, toutes ces mignonneries. Mais parce qu'il a trouvé moyen de te ramener près de moi, toi, mon ami, quand on m'avait dit que tu ne voulais plus me voir. Oh, ce n'était pas moi qui ne voulais plus vous voir. Car moi, malgré tous vos défauts, au bout du compte, je vous aime bien. Mais c'était mon épouse, Madame Gamin, qui me dit à chaque instant « Tu as de mauvaises connaissances, gamin, des connaissances trop hautes pour toi. Il ne fait pas bon voir les aristocrates par ces temps-ci. Nous avons un peu de bien, veillons dessus. Nous avons des enfants, élevons-les. Et si le dauphin veut apprendre la serrurerie à son tour, qu'il s'adresse à d'autres que nous. On ne manque pas de serrurier en France. » Louis XVI regarda l'apprenti, étouffant un soupir moitié railleur, moitié mélancolique. « Oui, sans doute, il ne manque pas de serrurier en France, mais pas de serrurier comme toi. » « C'est ce que j'ai dit au maître, sire, quand je me suis présenté chez lui de votre part, » interrompit l'apprenti. « Je lui ai dit, « Ma foi, maître, voilà, le roi est en train de fabriquer une serrure à secret. Il avait besoin d'un aide serrurier. On lui a parlé de moi, il m'a pris avec lui. C'était bien de l'honneur. Bon, mais c'est de la fine ouvrage que celle qu'il fait. Ça a été bien pour la serrure, tant qu'il ne s'est agi que de la cloison, du palastre et des étoquios, parce que chacun sait que 3 étoquios à queue d'aronde, dont le rebord, suffisent pour assujettir solidement la cloison au palastre. Mais quand il s'agit du pêne, voilà où l'ouvrier s'embarrasse. « Je le crois bien, » dit Gamin. « Le pêne, c'est l'âme de la serrure. Et le chef-d'œuvre de la serrurerie, quand il est bien fait, » dit l'apprenti. « Mais il y a peine et peine. Il y a peine dormant, il y a peine à bascule pour mouvoir le demi-tour, il y a peine à pignon pour mouvoir les verrous. Eh bien, supposons maintenant que nous ayons une clé forée dont le paneton soit entaillé par une planche avec un pertuis, une fronçure simple et une fronçure astée en dedans, 2 rouets avec un faucillon renversé en dedans et astée en dehors. Quelle peine faudra-t-il pour cette clé-là? Voilà où nous sommes arrêtés. » Le fait est que ça n'est pas donné à tout le monde de se tirer d'une pareille besogne, dit Gamin. Précisément. C'est pourquoi, continuai-je, je suis venu à vous, maître Gamin. Chaque fois que le roi était embarrassé, il disait avec un soupir, ah, si Gamin était là. Alors moi, j'ai dit au roi, eh bien voyons, faites-lui dire de venir à votre fameux gamin et qu'on le voie à la besogne. Mais le roi répondait, inutile, mon pauvre Louis, Gamin m'a oublié. Oubliez, votre majesté, un homme qui a eu l'honneur de travailler avec elle, impossible. Alors j'ai dit au roi, je vais l'aller chercher, ce maître sur maître, maître sur tous. Le roi m'a dit, va, mais tu ne le ramèneras pas. J'ai dit, je le ramènerai. Et je suis parti. Ah, sire, je ne savais pas de quelle besogne je m'étais chargé et à quel homme j'avais affaire. D'ailleurs, quand je me suis présenté à lui comme apprenti, il m'a fait subir un examen que c'était pire que pour entrer dans l'école des cadets. Enfin bon, me voilà chez lui. Le lendemain, je me hasarde à lui dire que je viens de votre part. Cette fois, j'ai cru qu'il allait me mettre à la porte. Il m'appelait espion, mouchard. J'avais beau lui assurer que j'étais réellement envoyé par vous, ça n'y faisait rien. Il n'y a que quand je lui avouai que nous avions commencé à nous deux un ouvrage que nous ne pouvions pas finir, qu'il a débouché ses oreilles. Mais tout cela ne le décidait pas. Il disait que c'était un piège que ses ennemis lui tendaient. Enfin, hier seulement, quand je lui ai remis les 25 louis que votre majesté m'a fait passer à son intention, il a dit « Ah, en effet, cela pourrait bien être véritablement de la part du roi. « Eh bien, soit, » a-t-il ajouté, « nous irons demain. Qui ne risque rien n'a rien. » Toute la soirée, j'ai entretenu le maître dans ses bonnes dispositions et ce matin, j'ai dit « Voyons. « Ce n'est pas cela, il faut partir. » Il faisait bien encore quelques difficultés, mais enfin, je l'ai décidé. Je lui ai noué le tablier autour du corps, je lui ai mis la canne à la main, je l'ai poussé dehors. Nous avons pris la route de Paris et nous voilà. « Soyez les bienvenus, » dit le roi en remerciant d'un coup d'œil le jeune homme, qui paraissait avoir eu autant de peine à composer dans le fond et surtout dans la forme le récit que l'on vient de lire, qu'on eût eu, maître Gamin, à faire un discours de Bossuet ou un sermon de Fléchier. « Et maintenant, Gamin, mon ami, continua le roi, comme tu me parais pressé, ne perdons pas de temps. » « C'est justement cela, dit le maître serrurier. D'ailleurs, j'ai promis à Madame Gamin d'être de retour ce soir. Voyons, où est cette fameuse serrure ?» Le roi remit entre les mains du maître une serrure aux trois quarts achevés. « Eh bien, mais que ne disais-tu donc que c'était une serrure bénarde ?» fit Gamin s'adressant à l'apprenti. « Une serrure bénarde se ferme des deux côtés, Mazette, et celle-ci est une serrure de coffre. Voyons, voyons un peu cela. » « Ça ne marche donc pas, hein ?»« Eh bien, avec maître Gamin, il faudra que cela marche. » Et Gamin essaya de faire tourner la clé. « Ah, voilà, voilà, » dit-il. « Tu as trouvé le défaut, mon cher Gamin, parbleu. Voyons, montre-moi cela. »« Ah, ce sera vite fait, regardez. » Le museau de la clé accroche bien la grande barbe. La grande barbe décrit bien la moitié de son cercle. Mais arrivé là, comme elle n'est pas taillée en biseau, elle ne s'échappe pas toute seule, voilà l'affaire. La course de la barbe étant de 6 lignes, l'épaulement doit être d'une ligne. Louis XVI et l'apprenti se regardèrent comme émerveillés de la science de Gamin. « Eh mon Dieu, c'est pourtant bien simple !» dit celui-ci, encouragé par cette admiration tacite. « Je ne comprends même pas comment vous avez oublié cela. Il faut que vous ayez pensé, depuis que vous ne m'avez vu, à un tas de bêtises qui vous ont fait perdre la mémoire. » « Vous avez 3 barbes, n'est-ce pas? Une grande et 2 petites, une de 5 lignes, 2 de 2 lignes. » « Sans doute, » dit le roi suivant avec un certain intérêt la démonstration de Gamin. « Eh bien, aussitôt que la clé a lâché la grande barbe, il faut qu'elle puisse avoir le pen qu'elle vient de fermer, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit le roi. « Alors, il faut donc qu'elle puisse accrocher en sens inverse, c'est-à-dire en revenant sur ses pas, la seconde barbe au moment où elle lâche la première. »« Ah oui, oui, » dit le roi. « Ah oui, oui, » répéta Gamin, d'un ton goguenard. « Eh bien, comment voulez-vous qu'elle s'y prenne, cette pauvre clé, si l'intervalle entre la grande et la petite barbe n'est pas égal à l'épaisseur du museau, plus un peu de liberté ?»« Ah, ah !» répéta encore Gamin. « Voilà, vous avez beau être roi de France, vous avez beau dire « je veux », la petite barbe dit, elle, « je ne veux pas ». »« Et bonsoir. C'est comme lorsque vous vous chamaillez avec l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui est la plus forte. » « Et cependant, demanda le roi à Gamin, il y a de la ressource, n'est-ce pas, maître ?»« Parbleu, dit celui-ci, il y a toujours de la ressource. Il n'y a qu'à tailler la première barbe en biseau. Creuser l'épaulement d'une ligne, écarter de 4 lignes la première barbe de la seconde et rétablir à la même distance la 3e barbe. Celle-ci qui fait partie du talon et qui s'arrête sur le picolet, et tout sera dit. » « Mais, observa le roi, à tous ces changements, il y a bien une journée de travail, mon pauvre Gamin. Oh oui !» Il y aurait une journée de travail pour un autre, mais pour Gamin, 2 heures suffiront. Seulement, il faut qu'on me laisse seul, et qu'on ne m'embête pas d'observation. Gamin par-ci, Gamin par-là. Qu'on me laisse donc seul. La forge me paraît assez bien outillée, et dans 2 heures... Eh bien, dans 2 heures, si l'ouvrage est convenablement humecté, continua Gamin en souriant, on peut revenir. L'ouvrage sera fini. Ce que demandait Gamin, c'était tout ce que désirait le roi. La solitude de Gamin lui fournissait l'occasion d'un tête-à-tête avec l'apprenti. Cependant, il parut faire des difficultés. « Mais, si tu as besoin de quelque chose, mon pauvre Gamin ?»« Si j'ai besoin de quelque chose, j'appellerai le valet de chambre, et, pourvu qu'il ait ordre de me donner ce que je lui demanderai, c'est tout ce qu'il me faut. » Le roi l'a lui-même à la porte. « François, » dit-il en ouvrant cette porte, « tenez-vous là, je vous prie. Voici Gamin, mon ancien maître en serrurerie, qui me corrige un travail manqué. Vous lui donnerez tout ce dont il aura besoin, et particulièrement 1 ou 2 bouteilles d'excellent Bordeaux. Si c'était un effet de votre bonté, sire, de vous rappeler que j'aime mieux le Bourgogne. Ce diable de Bordeaux, c'est comme si l'on buvait de l'eau tiède. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, dit Louis XVI en riant. Nous avons pourtant trinqué plus d'une fois ensemble, mon pauvre gamin. Du Bourgogne, François, vous entendez, du Volnay. Bien, dit Gamin, en passant sa langue sur ses lèvres. « Je me rappelle ce nom-là. »« Et il te fait venir l'eau à la bouche, hein ?»« Ne parlez pas d'eau, sire. L'eau, je ne sais pas à quoi ça peut servir. »« Si ce n'est pour tremper le fer. »« Mais ceux qui l'ont employé à un autre usage que celui-là l'ont détourné de sa véritable destination. L'eau, pouah !»« Eh bien, sois tranquille. Tant que tu seras ici, tu n'entendras point parler d'eau. Et de peur que le mot ne nous échappe à l'un ou à l'autre, nous te laissons seuls. Quand tu auras fini, envoie-nous chercher. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là, vous ? L'armoire à laquelle est destinée cette serrure. Ah bon ? C'est de l'ouvrage comme il vous en convient, celle-là. Bien du plaisir. Bon courage, répondit le roi. Et tout en faisant de la tête un adieu familier à Gamin, le roi sortit avec l'apprenti Louis le Comte, ou le Comte Louis, comme le préféra sans doute le lecteur, à qui nous supposons assez de perspicacité pour croire qu'il reconnut, dans le faux compagnon, le fils du marquis de Bouillé.